Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire Paris, vue de la Seine. Nager dans la Seine, c'est pas simplement pour les JO, c'est bien sûr donner des possibilités aux Parisiens et aux Franciliens d'aller nager dans notre cours d'eau, mais c'est aussi avoir un legs, un héritage écologique à l'issue des Jeux, un fleuve qui redevient vraiment propre. On n'est plus très très loin, mais il y a encore du boulot à faire. La mairesse de Paris, Anne Hidalgo, au moment où elle annonce en mai 2016 que c'est dans la Seine que va se dérouler l'épreuve de triathlon pour son segment nautique lors des Jeux olympiques d'été en 2024. Permettre aux Parisiens de se réapproprier la Seine et même de s'y baigner, l'idée est belle, à l'image du temps présent et en parfait accord avec ce lien si intime que nourrissent depuis toujours les Parisiens avec la Seine, cette Seine si profondément liée à l'histoire de Paris et à son identité même. Que l'on soit plutôt rive droite ou plutôt rive gauche, quand on est parisien, on a au moins un point commun, la Seine. Les vieux parisiens se souviennent tous de la crue de 1910. On pardonne tout à la Seine, même ses plus grands caprices. Les 30 ponts qui jalonnent le fleuve se disputent tous le prix de l'originalité. Le pont des Arts est le premier à avoir été construit en fer en 1802. Si la Seine est incontournable, c'est peut-être parce que la ville est née dans une de ces îles. Peut-être aussi parce que grâce à elle, on a cheminé le blé, le vin et la pierre des maisons. Aujourd'hui, plus touristiques qu'industrieuses, les berges de la Seine n'en ont pas perdu leur charme pour autant. Elles ont été classées trésor du patrimoine mondial par l'UNESCO. Et le fleuve peut dormir tranquille, Notre-Dame veille sur lui. Au XIXe siècle, l'architecte Viollet-le-Duc lui a même refait une beauté. Aujourd'hui, les amoureux de la Seine sont nombreux, depuis les joggeurs pressés jusqu'aux amoureux discrets, en passant par les riverains, forcément charmés. En écoutant cet extrait de l'émission Flânerie, diffusée en 1996, émission française, on comprend aisément le lien étroit qui existe entre la Seine et Paris. Pour nous raconter cette longue histoire d'amour entre Paris et la Seine, je reçois l'historien Éric Dussault, un habitué de l'émission. Éric Dussault, bonjour. Bonjour, Jacques. De nombreuses grandes villes du monde, Éric Dussault, sont traversées par des cours d'eau. Qu'est-ce qui rend unique le lien de Paris avec la Seine? Indissociable. Les Parisiens, pendant très longtemps, étaient indissociables de leur fleuve. Ils y achetaient leur nourriture, ils y puisaient l'eau. Et surtout, à l'origine même de Paris, il y a l'île de la Cité qui a été d'abord habitée par les Parisiens, les mariniers et puis les pêcheurs celtes. Et ensuite de ça, les Romains sont venus s'y installer à l'île de la Cité pour changer de nom, finalement appeler ça Lutèce, qui s'appelle comme ça... parce que ça s'inspire du mot « boue », et déjà ce qu'en dit long sur la qualité de l'eau, ou en tout cas ce qu'on va retrouver comme pollution. Et c'est à partir de là que tout est né, et c'est à partir de là que toute l'architecture de Paris, qui est si magnifique, s'est développée. C'est unique au monde, en fait, de voir cette telle concentration d'institutions, de monuments architecturaux de grande beauté. Qu'a reconnu l'UNESCO. C'est qu'il n'y a pas d'autres villes, ou en tout cas très peu, où vraiment à Paris, tous les grands monuments sont au bord de la Seine. Tout à fait. Ouais. Et c'est remarquable, et il a fallu attendre 1991 pour que ce soit reconnu, mais les Parisiens, eux, l'avaient remarqué depuis longtemps, les touristes aussi. Vous l'évoquiez, c'est l'eau, c'est d'abord l'eau, l'eau qui approvisionnera Paris, la Seine, c'est aussi des îles qui sont liées à l'histoire de Paris, l'île de la Cité, l'île Saint-Louis. Oui, deux îles importantes. On a déjà parlé de l'île de la Cité. L'île de la Cité, c'est surtout pendant longtemps associé au pouvoir royal et aussi religieux. Alors que pour ce qui est de l'île Saint-Louis, elle est davantage associée au commerce. Il y a les blanchisseuses qui vont aller installer leur linge là pour faire sécher. Elles vont fréquenter des petits commerces qu'on retrouve là. Elles sont pas seules. Il y a plein de commerçants qui se retrouvent sur l'île Saint-Louis. Donc, une plus commerçante et l'autre plus aristocratique, on pourrait dire. C'est ça qui différencie les deux. Pour aller à Sirène ou bien à Charenton, tout le long de la Seine, on passe sous les ponts. Pendant le jour, suivant son cours, tout Paris en bateau défile. Cœur plein d'entrain, ça va, ça vient, mais le soir, lorsque tout dort tranquille. Sous les ponts d'or Paris. Lorsque descend la nuit, toutes sortes de gueux se faufilent en cachette et sont heureux de trouver une couchette. Lucienne Delisle chantant le classique Sous les ponts de Paris en 1950. Alors, ces ponts de Paris, Éric Dussault, ceux qui enjambent la Seine, quand apparaissent-ils donc dans l'histoire de la Seine? Le premier pont à Paris, on le retrouve à l'époque de Jules César. C'est vous dire, ça remonte pas à hier, ça fait longtemps. Et peut-être les deux plus connus par la suite, c'est le Petit Pont et le Grand Pont, eux... permettait de traverser des deux rives jusqu'à l'île de la Cité. Parce que c'est ça qui est particulier. Au départ, il n'y a que l'île de la Cité qui est reliée par les ponts. Oui. C'est plus tard que l'île Saint-Louis sera, elle aussi, reliée. On est rendu à 4 ponts au 16e siècle. Et au 18e siècle, il y en aura 10 qui, ceux-là, seront faits de pierre. Alors, c'est particulier à partir de ce moment-là parce que ces ponts du 18e siècle, on habite dessus. Il y a des maisons, il y a des commerces, il y a des droits de passage, il y a des maîtres passeurs qui, en raison de la trop petite quantité de ponts, doivent permettre à la population de Paris de franchir la Seine. Donc, ils vont prendre les gens d'une rive et les amener à l'autre pour compenser le manque de ponts. Ces gens qui habitent là, qui créent des communautés, ça, c'est intéressant. Il y a aussi de la pêche qui se pratique sous les ponts. Il y a les glaces et les crues qui ont une incidence à tel point que parfois, il y a des habitations qui vont partir avec les crues. Et c'est incroyable de voir ça. Il y a des corps qui s'amoncellent autour des piliers. Il y a des restes de nourriture, des boucheries qui se retrouvent là. C'est vraiment très particulier au 18e siècle. La Seine, elle est au cœur de l'activité humaine, économique, sociale. On y viendra dans un instant, de Paris, mais c'est vraiment le centre, dans tous les sens du mot, de la capitale. Il y en aura donc 2, 4, 10, 37 aujourd'hui? Exactement. Donc, on passe de 1 à 37 en quelques siècles, finalement. Et des ponts actuels qui traversent la Seine à Paris, le plus ancien, c'est le pont Neuf. Ça ne s'invente pas. Il est construit quand, ce pont-là? Il faut dire aussi que ce pont-là, il marque une petite révolution. Mais on le construit quand et de quelle manière il est révolutionnaire, le pont Neuf? La première pierre a été posée le 31 mai 1578. Ça, c'est pour la première pierre. Mais ça va nous faire penser à des choses d'aujourd'hui. Ça prendra 30 ans avant que le pont soit complété. On est rendu en 1606, pour sa mise en service. Et là, révolution, parce que, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, ce n'est pas un pont sur lequel on retrouve des boutiques permanentes et des habitations, mais c'est totalement libre de circulation. Pourquoi? Parce que le roi voulait avoir, à partir du Louvre, une vue magnifique sur l'autre rive et il ne voulait pas que sa vue soit encombrée. Alors, pour la première fois depuis longtemps, on peut circuler librement. Et oui, ça deviendra un pôle commercial. Le pont Neuf a été, pendant 2 siècles, très actif au niveau du commerce, mais c'était tout le temps des boutiques temporaires. Les bouquinistes, par exemple. C'est là que ça va commencer. Tout à fait. Les bouquinistes qui devaient amener tous leurs livres avec eux, leurs pamphlets et tout ça, et à la fin de la journée, repartir. Ouais. Donc, c'est ce qu'on appelle des boutiques volantes. Ouais. Parlons un petit peu de la vie. On l'a déjà un peu évoqué. La Seine, elle est au centre de la vie parisienne. On va parler de la vie en bord de Seine dans un instant. Mais d'abord, la vie sur la Seine comme telle, sur le fleuve, quelle importance est là, cette Seine, comme voie de navigation, par exemple, pour Paris? Les bateaux, hein, évidemment, c'est incontournable. Les bateaux passeurs, dont je parlais tout à l'heure, d'une rive à l'autre. Ensuite de ça, il y a les bateaux lavoirs, dont on n'a pas parlé. Les lavandières sont très importantes dans l'histoire de la Seine. Elles lavent leurs vêtements à bord des bateaux, sur les bords de Seine. Il y a les bateaux de plaisance qui se développent aussi en parallèle. Et ceux que j'aime particulièrement, ce sont les coches d'eau. Ce sont ces gens qui prennent les nouveaux-nés de Paris et qui les amènent en province parce que ça coûte moins cher de payer une nourrice en province qu'à Paris, évidemment. Alors, il y a des coches d'eau spécialisées là-dedans. Ensuite, il y a les ports. Attention, c'est intéressant parce qu'avant 1850, je dirais avant le 19e siècle, les ports de Paris sont des ports où la population se rend pour racheter de la nourriture, pour s'approvisionner. Ouais. Alors que par la suite, ça devient uniquement de la vente de gros et les Parisiens ne sont plus en mesure d'acheter sur place. Ouais. Donc, ce qui est important, là, c'est que c'est un lieu de commerce aussi de ce côté-là. Et c'est un lieu de vie parce que c'est un lieu de rencontre. C'est là qu'on se retrouve, qu'on discute, qu'on apprend les nouvelles. Et c'est là qu'on va fêter. Il y a vraiment toute une vie sociale sur les berges. images de la Seine, des guinguettes, des feux d'artifice, enfin, de la prostitution, c'est ça aussi. Oui, ça c'est important d'en parler parce qu'il y a l'aspect économique, mais au niveau social, c'est un lieu qui, à certaines heures, même du jour de la nuit, n'est pas très fréquentable. Il y a les prostituées, mais il y a aussi des vols. On dit que c'est très violent. La police, d'ailleurs, est très souvent sur place pour essayer d'enrayer ces fléaux-là. Mais ce n'est pas un lieu facile à sécuriser parce que c'est vaste, parce que les moyens policiers ne permettent pas d'assurer une sécurité à 100%. Ouais. Donc, ça a très mauvaise réputation à certains moments. Ouais. À partir de la fin du 18e, début du 19e siècle, on assiste au début du déclin de la Seine comme centre de l'activité économique et sociale de Paris, Éric Dussault. Oui. On s'éloigne de la Seine. Et ça, c'est très marqué. En fait, il y a un livre sur cette question-là, une historienne qui a travaillé là-dessus. Et pour elle, c'est très clair. Et à la lumière de ses travaux, c'est vrai que ça paraît évident. Les Parisiens s'éloignent de leur fleuve, la Seine. Et je parle géographiquement. Oui. À partir de 1860, on sait que les arrondissements de Paris vont intégrer maintenant Montmartre et ce qui était exclu jusqu'à ce moment-là. Ça veut donc dire que ces quartiers excentrés deviennent plus populeux, alors que le centre, lui, se vide de sa population. Une des raisons, c'est parce que, je l'ai dit, les ports ne servent plus autant à alimenter la population normale, si vous me permettez l'expression. Et c'est aussi parce que la population de Paris ne cesse de croître. Alors, il n'y a pas assez de place au centre. Il faut aller un petit peu plus loin. Et puis, le baron Haussmann, avec ses grands travaux, va faciliter la circulation avec ses grandes percées dans Paris. La circulation dans Paris, dans le Grand Paris, sera facilitée aussi par Haussmann. L'histoire de la Seine à Paris, c'est aussi, bien sûr, l'histoire des débordements de la Seine et notamment de l'inondation de 1910. Si la gare Saint-Lazare baignait dans l'eau, c'était bien pis du côté de la gare des Invalides. Plus question d'y prendre le train. Tout au plus, aurait-on pu s'y promener en barque. Les stations de métro s'étaient transformées en piscines et l'esplanade des Invalides était un lac. Le Paris de 1910, c'était une espèce de Venise improvisée, sans gondole ni romance, où l'on quittait le bateau pour la passerelle de planches et où la vie devenait un tour de force. Les quais étaient surélevés, étaient bien plus hauts que les rues adjacentes et que les avenues adjacentes de Vitry. De telle enseigne qui s'est créée là avant que ces points bas soient remplis, un tel courant que la navigation par bateau devenait presque impossible. Et comme les gens ont été quelque peu surpris dans leur demeure, sincèrement, je vous assure, nous étions très peu nombreux pour essayer de tirer de là. Nous y sommes arrivés, mais en faisant des gymnastiques formidables, en y travaillant presque jour et nuit. La nuit n'était pas très favorable, mais enfin, fallait même bien qu'on aille retirer les gens qui étaient montés sur leur toit, qui criaient au secours ou qui tiraient des coups de feu, etc. Il y a un marinier dont le bateau était amarré en amont du pont d'Ivry, un nommé Charlemagne Blancard, dont je veux citer le nom parce qu'il a été d'un dévouement exemplaire, est venu m'aider et avec son concours, nous avons pu nous sortir tous les gens qui étaient dans notre quartier sans qu'il y eût à déplorer d'accidents mortels. Extrait des actualités françaises du 29 décembre 1949, suivi du témoignage que vous venez d'entendre, le témoignage d'un marinier venu au secours des sinistrés de l'inondation de 1910 à l'émission « Soyez témoin » du 20 juin 1956. Quelle place elle occupe, cette inondation de 1910, Éric Dussault, dans l'histoire de la Seine? Bien, en fait, en 2010, on a célébré le centenaire, donc il y a eu un petit peu de tapage autour de ça. Il y a un de mes collègues, M. Jackson, aux États-Unis, qui a publié un livre vraiment intéressant sur la question. Mais c'est surtout que la Seine n'a jamais monté aussi rapidement. C'est ça qui a marqué l'histoire. Et il y a ce fameux ouave qu'on retrouve sur un des 37 ponts de Paris qui avait de l'eau jusqu'au cou. Alors, c'est vous dire combien de pluie on a reçu, c'est-à-dire 38% plus de pluie qu'à la normale, ce qui explique la hausse très rapide. Et ça a duré longtemps. Tout ça a commencé le 21 janvier 1910 et puis c'est uniquement en avril qu'on va finalement voir les niveaux baisser. Vous imaginez, pendant 4 mois, les Parisiens ont vécu dans une ville inondée et on circulait avec des bateaux de fortune. Selon moi, les plus belle photo de Paris, c'est cette époque-là. Ouais. On dirait Venise. Un Paris, justement, j'allais dire, qui ressemble à Venise. Ça a été, il y en aura d'autres, évidemment, mais c'est la grande inondation qui a marqué les esprits, celle de 1910. Et les cartes postales de l'époque ont été reproduites jusqu'à aujourd'hui et elles ont un petit côté très exotique, très très 19e, début 20e siècle. Ça, c'est intéressant. Et la preuve qu'on ait voulu faire des cartes postales, c'est parce qu'on était déjà conscient à ce moment-là qu'il y avait une partie de l'histoire de Paris qui se jouait là. On va rentrer dans la sociologie de, non pas tant de la Seine, mais de Paris traversée par la Seine, parce que l'histoire de la Seine à Paris, c'est aussi donc l'histoire de deux rives, la rive droite et la rive gauche. Paris possède aussi son mur de Berlin, mais c'est un mur pacifique, bâti en pierre d'eau, qui tranche la ville en deux, la Seine. Pour le provincial, à plus forte raison l'étranger, un pont à franchir, cela veut dire simplement qu'on passe de Paris à Paris, d'une rive à une autre identique. Pour l'indigène, traverser, c'est voyager, faire du tourisme, traquer le folklore. Cette différence a toujours existé. De l'île Lutèce, du Louvre d'Henri III, de la Bastille de la Révolution, des tranchées du baron Haussmann, du Montmartre de Toulouse-Lautrec aussi bien que du bœuf sur le toit de Cocteau, quand on scrute la rive gauche, c'est avec curiosité. On n'y est jamais allé. Avec la génération perdue, la mode change de rive, Montparnasse est réhabilité. Montparnasse, c'est la voie ouverte à Saint-Germain-des-Prés. Une après-guerre, et Gréco et Sartre, le tabou et le fleur, donnent à la rive gauche des quartiers de noblesse. Sentez-vous que vous faites partie d'une rive, la vôtre? Oui. Que vous faites corps avec elle? Oui, je sens que je fais partie de la rive droite, d'abord parce que j'y suis vraiment très habituée. Alors, toujours lorsque je vais dans la rive gauche, c'est quelque chose de nouveau, si vous voulez. Je ne me sens plus chez moi. La rive droite, c'est vraiment un voyage à l'étranger. Enfin, on n'y va que pour voir des films en version originale. Cet extrait de l'émission « Pour le plaisir » diffusé en 1965 nous amène donc, Éric Dussault, à parler des deux rives de cette Seine qui traverse Paris. Deux rives, la rive droite et la rive gauche, qui opposent, et depuis toujours, deux mondes. Parlez-nous de ces deux mondes. Oui, et c'est social et économique. On parlait tout à l'heure d'une histoire plus ancienne. Là, on parlait du 18e, 17e siècle. C'était déjà vrai à cette époque-là. Il y avait déjà, socialement et économiquement, des spécialisations. C'est encore vrai au 20e siècle. La preuve, c'est que lorsque j'ai travaillé sur Saint-Germain-des-Prés, vous me rappelez de très beaux souvenirs, j'interviewais des gens et certains me disaient « Mais moi, jusqu'à un certain âge, j'ai jamais traversé, je suis jamais traversé de l'autre côté. » Je leur demandais pourquoi. Ben, c'est exactement ce qu'on vient d'entendre. C'était l'exotisme, c'était bizarre, c'était eux contre nous, hein? C'était l'autre, et l'autre était bizarre, faisait peur, et puis c'était évidemment la bourgeoisie contre le babacool. On l'a dit, Montparnasse et Saint-Germain-des-Prés deviennent des lieux fréquentés par les artistes, par les intellectuels. Les maisons d'édition, Saint-Germain. Les maisons d'édition sont là encore aujourd'hui, même si ça coûte terriblement cher, ils sont concentrés là-bas. Donc, il y a vraiment deux mentalités différentes, et alors je pense qu'encore droite, aujourd'hui, on s'identifie à l'un et à l'autre. Ben, c'est la question fort. Que j'allais vous poser, c'est encore parce que ça, c'est l'image traditionnelle. Donc, la rive gauche, un peu plus intellectuelle, vieux babacool, comme vous le disiez. Puis la rive droite, les places, le pouvoir, l'argent, la place Vendôme, le faubourg Saint-Honoré, ça reste. Mais sociologiquement, Paris se transforme quand même. Est-ce qu'il y a encore ce clivage? Bien, quand on sait, par exemple, que le mètre carré se vend plus cher à Saint-Germain-des-Prés qu'ailleurs, sauf sur les Champs-Élysées, c'est la réponse. Ouais. Alors qu'avant, on considérait que c'était artistique bohème, du moins dans les années 40-50 et dans les années 20-30. Là, on est rendu à un prix 50 millions d'euros pour l'appartement d'un acteur célèbre Depardieu, quand même sur la rive gauche. Donc c'est la preuve que ça change. Ouais. L'histoire de la Seine et de ce que représente la Seine pour les Parisiens, elle évolue au fil du temps. Et si, je vous ramène au début de l'émission, la mairesse Hidalgo, qu'on entendait, Anne Hidalgo, si elle ambitionne depuis quelques années, bon, de permettre aux Parisiens d'éventuellement se baigner dans la Seine, mais aussi de redonner les berges de Paris, d'enlever la circulation automobile des berges de Paris. Ça, c'est son ambition. Écoutez l'extrait qui suit. Ça, c'est le portrait de la situation actuelle, de l'état d'esprit actuel. Mais fin 1960, on est complètement et totalement ailleurs. Extrait du journal télévisé français du 18 février 1965 pour montrer comment évolue la conception qu'on a de la Seine, ce que doit être la Seine pour Paris. Extrait de ce téléjournal français du 18 février 1965. Vous entendez d'abord le premier ministre à l'époque, Georges Pompidou, et ensuite le préfet de Paris, Raymond Aspicard. Il nous parle de ce projet formidable, de lien routier, qui va longer la rive droite de la Seine et qui va être inauguré deux ans plus tard, en 1967. Principe qui nous guident sont le respect des traditions, le maintien et le respect du passé, mais aussi un esprit résolu de rénovation de façon à faire de la France et de Paris, non pas simplement une ville musée, une ville du passé, mais une ville du présent et une ville de l'avenir, une capitale du XXe siècle. Monsieur le Préfet, nous voici donc sur l'un des chantiers de cette voie express rive droite, dont je vais vous demander de bien vouloir nous rappeler les caractéristiques générales. Eh bien, cette voie express est à la fois une voie de desserte et une voie pénétrante, puisqu'elle sera reliée à ses deux extrémités au périphérique. Elle permettra de traverser Paris ou de circuler le long de cette voie sans aucun croisement et sans aucun feu rouge, et ceci sur 13 km de long. La voie comportera 6 ouvrages, 2 sont déjà construits, passage souterrain sous le pont d'Iéna, passage souterrain sous le pont de la place de l'Alma, 4 sont à construire. Cette voie, donc, elle sera construite, inaugurée en 1967, Éric Dussault, cette voie qui permet aux automobiles de traverser Paris en longeant la Seine, on est dans un autre monde. Tout à l'auto. Ouais. C'est tout à fait ça. Et en plus, il n'y a aucune critique à ce moment-là. Et ça, c'est sur la rive droite. Oui. 7 ans plus tard, en 1974, lorsqu'il est question de faire l'équivalent sur la rive gauche, là, tout d'un coup, les mentalités ont changé. On décide que les rives de la Seine seront réservées dorénavant à la promenade. Et par la suite, dans les années 80-90, on va faire des aménagements. Et le résultat, c'est qu'en 1991, je le rappelle, l'UNESCO reconnaît ces berges-là. Ouais. Ça veut donc dire que la stratégie était bonne, puisque maintenant, les piétons peuvent l'utiliser. Ça, c'est sans compter, en 2002, on a inventé Paris-Plage, cette idée un peu loufoque au départ, qui est devenue maintenant tout à fait normale, qu'on puisse se baigner, pas tant dans l'eau que dans une piscine à l'époque, au départ. Là, il y a des projets pour autre chose, mais... Donc, c'est cette idée de redonner la Seine aux Parisiens pour qu'ils viennent s'amuser. Il y a des concerts, il y a des guinguettes, il y a toutes sortes d'activités. Mais c'est redonner la Seine aux Parisiens, comme avant 1850. Ouais. Et pour terminer, peut-être dire qu'il y a une vingtaine de poissons maintenant dans la Seine contre 5 espèces en 1950. Donc, Mme Hidalgo, mairesse de Paris, a peut-être raison d'être optimiste parce que les poissons sont de retour. Oui. Donc, les baigneurs, ce sera pour tout bientôt, si tout va bien. Éric Dussault, historien, ami de l'émission, toujours un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Au revoir. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Éric Saint-Pierre, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Ronald Georges, à la technique aujourd'hui Pierre Plante. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine. Sous les ponts de Paris, lorsque descend la nuit, comme il n'a pas de quoi se payer une chambrette, un couple heureux vient s'aimer en cachette, et les yeux dans les yeux, faisant des rêves bleus, Julot partage les baisers de Nini sous les ponts de Paris. Julot partage